Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Gémozo. Alors d'abord, félicitations pour vos votes. Hein. Ah oui, les Français ont bien voté. Presque comme les Allemands en 1933. Alors, on verra la suite. Hein. On verra, on subira la suite. Adrien, alors ce soir, donc le calendrier, Adrien Quatennens, le pôle populaire, Blast Mali, la France part, les Russes arrivent. EPR Flamanville, 10 ans de retard, 8 milliards de surcoûts. EPR, catastrophe industrielle. EPR Finlande, fiasco industriel. Sébastien Boller, auteur de Lumen Psycho. Alain Krivine, mai 68 n'a pas duré qu'un mois. Et puis une petite revue de presse, une revue de presse. Voilà. Alors, à la prochaine. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur, si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies. Si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 18 avril ? Eh bien, par exemple, le 18 avril 1904, en France, parution du premier numéro de L'Humanité. Il est tiré à 130 000 exemplaires en 1904. Il a 4 pages et coûte 5 centimes. Jean Jaurès, fondateur du journal, écrit dans l'éditorial: L'humanité n'existe pas encore, ou elle existe à peine. À l'intérieur de chaque nation, elle est compromise par l'antagonisme des classes, par l'inévitable lutte de l'oligarchie capitaliste et du prolétariat. Seul le socialisme, en abolissant toutes les classes dans la propriété commune des moyens de travail, résoudra cette antinomie et fera de chaque nation enfin réconciliée avec elle-même une parcelle de l'humanité. Fermons les guillemets. C'était Jean Jaurès qui parlait. 1907, France, à Flers, dans l'Orne, chez Duhazé, 13 ouvriers sont congédiés pour avoir osé demander une augmentation des tarifs. En réponse, En réponse à ces licenciements, 3000 ouvriers désertent les usines et les blanchisseries. 1909, France, à Méru, meeting de l'Association internationale antimilitariste, 1909, sur le rôle de l'armée dans les grèves. On y déplore de voir tant de camarades arrêtés pour quelques carreaux cassés, alors qu'à l'école laïque, on nous a appris que nos aïeux, en 1789, ont brûlé des châteaux et coupé les têtes des puissants parce que cela était nécessaire. 1925, Belgique, premier congrès général de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Ce mouvement est fondé officiellement par 200 jeunes travailleurs. 1930, Inde, boycottage des produits britanniques lors de la campagne de désobéissance civique ou civile. 1949, Irlande, la République d'Irlande est proclamée indépendante. 1951, Inde, le sacrifice en don de terre commence. Il est destiné à obtenir des gros propriétaires l'octroi de 20 millions d'hectares aux paysans sans terre. Mais en 20 ans, 2 millions d'hectares seulement seront offerts. Il n'y a pas qu'en France que la classe dominante s'est dominée, hein. Oui. 1972, Grèce. Une explosion détruit la statue de l'ancien dictateur Metaxa. 1973, France. Le président directeur général de l'IP. Vous savez, vous rappelez les montres LIP, hein, démissionne. Le tribunal de Besançon désigne 2 administrateurs provisoires. Les travailleurs répliquent par la grève. Il y en a un qui est venu à Remiremont. Hein. 1975, Australie, le professeur Anderson, dans un rapport sur la pauvreté dans le pays, constate que 18% d'Australiens vivent dans l'indigence. Alors, le gars de l'IP qui est venu à Remiremont s'appelait Charles Piaget. 1978, Namibie. L'état de siège est proclamé par le gouvernement de l'Afrique du Sud. Toute personne suspecte de violence ou d'intimidation peut être détenue indéfiniment. 1979,

On est tout le temps en train de voter. Alors, bon, l'autre fois, c'était pour l'Europe. Bon, vous avez bien fait d'y aller, c'est pas pour nous, c'était pour partager du pognon, puis on en a plus, nous, alors c'est pas le problème. Bon, l'autre fois, c'était les cantonales, c'était pour élire les cantonniers, c'est pas méchant non plus, mais enfin, il y en a que ça. J'y suis pas allé, il y a pas d'herbe dans ma rue. Bon, qu'est-ce que j'ai eu dans le journal ? J'ai eu le journal, qu'est-ce que je lis ? Il paraît que la gauche est achetée par Moscou. Non, si, il paraît. Je crois pas, si. La gauche est achetée par Moscou. En gros, la merde. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. On l'a emmerdé. Et puis alors, bon, parce que vous prenez les hommes politiques, alors prenez n'importe quoi, par exemple, prenez le Conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses, ils vont au sable, bon. Ils font des portées, c'est sympa, il y a le garde des sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée ? Moi j'en ai pas, très bien. Et lui, ben, j'ai une petite idée, tu la gardes, hein, monsieur. T'as vu dans quelle merde on est déjà, alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti, hein. Bon, un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient le plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voire deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la constipation de 1958. On y soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, hein, on dit, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école. Hein. Tandis qu'en prison, faut voir. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Coordinateur de la France Insoumise, député du Nord. Macron, Le Pen, c'est la peste ou le choléra, dit le porte-parole des Jeunes Insoumis. Vous êtes d'accord ? D'abord, il y a une chose, parce qu'on n'était pas là pour amuser la galerie. Hein. J'en sais qu'on est passé au second tour, donc on a vite passé. Mais ce qui s'est produit hier, et d'ailleurs qui est passé assez sous les radars, puisqu'il y a eu quand même cette remontada dans la soirée, c'est qu'il y a eu un sursaut de mobilisation en faveur de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été perçu par les estimations de sondage. Et qui a profité du vote utile, ce qu'expliquait notamment, Patrick. Notamment, mais aussi, je crois qu'il faudrait le mesurer. Ça avait été mesuré en 2017, mais un fort vote d'adhésion. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est des femmes et des hommes qui sans doute ne seraient pas allés voter, qui ont nourri beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote. Je demande à ce qu'on l'entende, quoi. C'est des gens qui ont voulu mettre la France au niveau des grands défis, je pense au climat, en considérant qu'on avait peu de temps pour agir, mais aussi des gens qui considéraient leur sort personnel. Quand on parlait des salaires, de la rémunération, de l'âge de départ à la retraite, c'est des questions cruciales. Et donc, moi, je veux leur adresser un message ce soir, parce que, évidemment, première question, qu'est-ce que vous faites au second tour ? D'abord, moi, je dis à toutes ces personnes que ce qu'on a bâti ensemble pendant ces 17 mois de campagne, c'est quelque chose de pérenne, et qu'on ne vous lâchera pas. Voilà, on sera là dans toutes les étapes, et la pente des événements va exiger qu'on soit au rendez-vous, et on le sera. Alors maintenant, vous m'interrogez sur le second tour. Nous, il y a une chose qui est très claire, compte tenu de ce qu'on est, y compris dans la longue histoire de la vie politique de ce pays. Nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite, et nous avons dit clairement, j'ai entendu tout à l'heure Gabriel Attal dire que ce n'était pas aussi clair en 2017. C'était exactement la même phrase. Alors, elle a été répétée 5 fois hier, pour s'assurer que ça soit bien passé, c'était exactement la même chose et que nous avions dit. Pas le soir du premier tour. Dès le lendemain, je crois. Le lendemain. En tout cas, ça a été dit. Vous pouvez pas dire le contraire. Non, mais ça. Pas immédiatement. Non, mais ce qui a pu créer une espèce de confusion. Pas une voix pour l'extrême droite. Pourquoi ? D'abord parce que ce qu'elle incarne, ce serait la division, la fracturation du pays. Et puis aussi, et nous l'avons dit, parce que Monsieur Macron, lui, il porte une responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Il a quand même tout fait ces 5 années pour se retrouver dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui. C'est Monsieur Macron qui, au détour d'une interview dans l'Express, réhabilitait en quelque sorte Pétain et Maurras. Non. C'est un ministre de Monsieur Macron, Patrick Cohen. C'était un ministre Vous le dites souvent, mais honnêtement, vous ne pouvez pas dire sérieusement qu'il a réhabilité Pétain et Maurras. Disons les choses autrement. Il en a parlé, ça vous va mieux si je vous dis, il en a parlé en des termes plutôt élogieux dans une interview à l'Express. Et vous pensez chacun que c'est ça qui a fait monter l'extrême droite? Non, je n'avais pas terminé. Vous m'avez coupé en cours de route. J'allais parler notamment, oui, en effet, laissez-moi le plaisir de le dire, un ministre de l'intérieur qui, sur un plateau du service public, dit à Madame Le Pen, sur la question des musulmans, vous êtes trop molle. Bon, donc Monsieur Macron, disons les choses, il a œuvré pour obtenir ce second tour. Donc il en est responsable, première chose. Et l'opposition, non ? Écoutez, moi je peux dire, Patrick Cohen, que jusque dans les dernières heures, les derniers jours, nous avons fait le travail pour convaincre des femmes et des hommes, parce que je le dis, y compris ce soir, il y a des gens qui votent Madame Le Pen, je m'adresse à eux, écoutez-moi, qui votent contre leurs intérêts, qui pour une raison qui, moi, m'échappe, pense que cette femme va améliorer leur sort sur les conditions sociales. Mais pardon, ce n'est pas le cas. Mais par contre, il y avait un bulletin de vote au premier tour pour voter et faire barrage à l'extrême droite sans renier ses convictions. C'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas vous demander si vous avez fait barrage à Madame Le Pen dès le premier tour, Patrick Cohen. Donc voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour nous, c'est donc pas une voie d'aller à l'extrême droite, mais pour le reste, la responsabilité incombe entièrement à Emmanuel Macron. Et je dois vous dire une chose. C'est la raison pour laquelle vous ne faites pas un appel direct à voter pour lui. Mais écoutez, parce que ça, le moyen de faire barrage à Marine Le Pen, ça pourrait être d'utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron. D'abord, il y a une raison. Anne Hidalgo, il y a une raison pratique. Il y a une raison pratique. Oui, certains d'ailleurs n'ont pas attendu que le premier tour ait lieu. Ils étaient très enthousiasmés à l'idée d'appeler à voter Macron très très vite. Madame Hidalgo, dès la semaine dernière, 10 jours avant, elle avertissait déjà qu'elle appellerait à voter Macron. Elle était vraisemblablement très enthousiaste à l'idée d'être la première. Elle avait pas l'espoir d'aller au second tour. Écoutez, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est à Emmanuel Macron de faire ce qu'il faut. C'est lui qui est responsable de cette situation. Nous faisons notre part. Notre part, c'est de dire, y compris à... Parce que j'entends les sondages, ça me paraît très résiduel et sans doute moins important que ce qui est montré, mais j'entends que vous dites, il y a des gens qui ont voté pour vous au premier tour qui pourraient voter 30%. Pour Mme Le Pen. Nous, on leur dit, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Pour autant, je ne suis pas d'accord pour qu'on appelle les gens avec enthousiasme à aller voter pour quelqu'un qui non seulement a fait un quinquennat d'une brutalité sociale sans nom, hein, qui a supprimé l'ISF d'une main et 5 euros d'APL de l'autre. Que qui doit fait faire Emmanuel Macron pays, pour qu'éventuellement vous changiez d'avis? Ça lui appartient. Et après, chacun fait en quoi responsabilité. Écoutez, il y a une chose qui est claire en tout cas, c'est que je crois qu'on doit comprendre aujourd'hui que les consignes de vote, si même ce soir devant vous, je disais ce que vous aimeriez que je dise. Je pense que ça pourrait changer les choses. Ça pourrait avoir un effet contre-productif aussi. Je vous le dis, voilà. Et je crois qu'Emmanuel Macron vous doit s'interroger. Hier, la situation qui apparaît hier, c'est 3 blocs très nets dans le pays, et donc la crise politique n'est pas soldée. À Emmanuel Macron de s'interroger. Il n'a pas de majorité pour appliquer son programme. J'ai écouté attentivement Gabriel Attal à l'instant. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de remises en question? Vous trouvez qu'il y a beaucoup de remises en cause de ce qu'ils font? Non, absolument pas. C'est une arrogance. C'est pas simplement aller dans les rues et entendre les gens exprimer leur colère en disant on serre les dents et on s'accroche. Avec vous, qui vont vous tendre la main. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans une négociation à la petite semaine avec Monsieur Attal ou Monsieur Macron. En revanche, j'interroge. Est-ce que Monsieur Macron croit être en capacité de convaincre les électeurs de voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite avec un projet comme la retraite à 65 ans? Par exemple, il dit qu'il serait prêt, par exemple, à organiser un référendum sur cette question de la retraite. Vous savez, mais il pourrait tout simplement y renoncer parce qu'il y a un mensonge de base. Quand Emmanuel Macron se présente devant les Français en disant il n'y a pas le choix, faut travailler plus longtemps pour financer, il sait que c'est faux. Ce pays produit bien assez de richesses. Il s'agit simplement de mieux la répartir et de mieux la partager. Ils ne veulent pas le faire. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est clair. Moi, je dis, le peuple n'a rien à gagner à une victoire de l'extrême droite. Mais pour autant, à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités, puisque ce sont les siennes qui sont en cause. Emmanuel Macron a fait comprendre qu'il voulait amodier ou modifier son projet, l'enrichir, dit-il, etc., qu'il allait prendre contact avec, non pas les chefs de parti, mais les candidats du premier tour. Est-ce que, Jean-Luc Mélenchon, votre formation serait disposée à, non pas à négocier, mais simplement à avoir un éventuel contact avec l'un des deux candidats, en l'occurrence du second tour, discuter des mesures d'un prochain quinquennat? Non, on ne peut pas s'agir de rentrer en discussion et en négociation avec eux sur les mesures, parce que qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron et du programme qu'il a présenté, duquel je ne vois pas qu'il ait l'intention d'y renoncer, ou de ce qu'incarne Marine Le Pen et l'extrême droite, qui non seulement ne s'occupera pas de la question sociale comme nous l'aurions fait, mais qui en plus veut instaurer par exemple la police du vêtement dans notre pays, ce qui est très loin de la laïcité républicaine et qu'on ne peut pas accepter, non. Mais Gabriel Attal disait tout à l'heure, il y a des mesures que proposait Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans, que nous avons mises en œuvre, comme le reste à charge sur les audioprothèses. C'est absolument résiduel, je veux dire. Dans le même temps, ils veulent faire le travail forcé pour les personnes qui sont au RSA à 15 ou 20 heures, la retraite à 65 ans. Il est pas forcé. Mais oui, ok, tout est sous condition. En attendant, vous voyez, je ne vois pas qu'Emmanuel Macron fasse aujourd'hui le nécessaire pour convaincre, et je vois, y compris dans la posture qui était celle de Gabriel Attal à l'instant, qu'on n'a pas beaucoup de remises en question. Donc si je résume, vous dites... Donc nous, on va faire cette consultation Vous dites qu'Emmanuel Macron fasse ses preuves pour convaincre l'électorat, mais vous n'y croyez pas. Je dis que chacun fasse ensuite en responsabilité. Vous savez, on va se dire une chose, le deuxième tour qui est apparu hier soir, il apporte rien de nouveau. C'est le mauvais remake de 2017. En 2017, les Français ont su quoi faire. Donc moi, je fais confiance. Ils sauront quoi faire. Mais après, encore une fois, notre part du boulot est fait. Vous voyez, les premiers responsables de la montée de l'extrême droite, c'est ceux qui mènent ce type de politique qui les font monter. Et puis, c'est aussi les électeurs de l'extrême droite eux-mêmes. Donc, nous, nous disons, pas une voix doit aller à l'extrême droite. En 2017, c'était un match à 4. Là, vous vous retrouvez à 3 avec un potentiel électoral qui est plus important et une concentration chez vous, pour Jean-Luc Mélenchon, des voix de gauche. Voilà, ça change quand même un peu le... Ouais, après, ce qu'il y a de sûr, c'est que, vous savez... Bon, hier, quand on a vu le résultat, ouais, et quand on a vu, y compris, cet écart qui se resserrait à mesure que la soirée passait, il faut voix, dire les choses. Il nous a manqué, oui, 400 000 voix. C'est-à-dire, vous le savez, c'est trois fois rien. Donc on peut s'interroger parce que beaucoup de gens, je le disais, ont nourri des espoirs dans ce bulletin de vote. Et moi, je leur dis, c'est le début d'une histoire. Alors après, on peut refaire le match, c'est clair, disons-le. Il y a des dispersions qu'on aurait peut-être pu éviter et qui nous auraient évité ce résultat. Fabien Roussel. Bah, écoutez, voilà. Vous parlez d'Adrien Quatennens, de Fabien Roussel. Vous estimez qu'il est responsable de cette élimination? Vous lui en voulez? Est-ce qu'il est vous avez des divergences assez claires, notamment dans vos programmes, le nucléaire, la laïcité. Oui, mais vous n'aurez pas échappé qu'en 2012 et en 2017, nous faisions équipe. Oui, et vous faisiez moins qu'en 2022. Et que, alors, certes, mais quand même, ça a été 12% en 2012, puis 19% en 2017, et là, on se retrouve à 22% sans eux. Et aux portes du second tour. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être très clair. Ce matin, comment je peux faire pour dire autre chose que oui, il a une part de responsabilité. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est à un point du second tour et Fabien Roussel qui faisait équipe avec nous les deux fois précédentes, qui fait 2,5 points, pas besoin d'être un aigle pour comprendre quand, bah, toute hypothèse, si on avait fait équipe. Pas se fâcher avec eux, quoi. Mais, en 2017, mais nous, Jean-Luc Mélenchon a traité. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Pierre Laurent, vous êtes le néant. Vous êtes soucié de savoir ce qui était à l'origine de cette discussion? Non, parce qu'après, les échanges. Mais vous n'avez rien fait. Non, vous n'avez rien fait pour prendre la main à vos partenaires de gauche. C'est pas vrai. Patrick Cohen, vous ne pouvez pas dire ça. Même dans les derniers épisodes, les régionales, par exemple. Je suis bien placé dans les Hauts-de-France pour savoir que c'est nous qui avons permis que toute la gauche, comme on le souhaitait, se rassemble. Et à Marseille, à Marseille, on a été purgé, éjecté du cadre commun par Europe Écologie Les Verts qui n'en voulait pas. Vous savez, il y a toutes sortes de personnes qui défilent sur les plateaux pour dire on veut de l'union, mais dès qu'on propose des solutions concrètes pour la mener, elle se fait pas sur des bases claires. Anne Hidalgo et Yannick Jadot, vous pouvez leur en vouloir aussi. Et pourtant, Anne Hidalgo, à un moment dans la campagne, a proposé une alliance, une réflexion avec Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo, elle a passé l'essentiel de sa campagne a tapé sur Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, nous, on n'a même pas répondu aux polémiques. Jean-Luc a été interpellé à plein de reprises là-dessus, dit « je ne rentre pas là-dedans ». Non, je crois que le résultat d'hier donne à voir aussi quelque chose. Pour celles et ceux qui veulent que ça change, qui veulent une rupture sociale et écologiste dans ce pays, c'est que l'avenir du pays passe plus, et je pense qu'on l'a compris maintenant, par la social-démocratie. Ça passe par le bloc populaire qu'on a constitué et qui est un point d'appui pour la suite. Parce que, je le dis, quelle que soit l'issue, y compris du second tour, du 24 avril, il va y avoir besoin de nous et je sais qu'un tas de gens qui nous écoutent nous font confiance et je leur dis on sera au rendez-vous. Voilà. En tout cas, c'était votre troisième tentative, votre troisième défaite. On peut se demander si c'était la dernière de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on a cru comprendre en écoutant son discours hier. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh ben, on n'y est encore pas arrivé ?» C'est pas loin, hein ? Faites mieux. Merci. Quand il s'adresse aux jeunes, faites mieux, ça veut dire quoi? C'est un au revoir, il ne se présentera pas en 2027? Il a déjà eu l'occasion de dire qu'il estimait que c'était sa dernière campagne présidentielle. Alors, il ne va pas disparaître de la circulation, mais sans doute le rôle qu'il va jouer va être à redéfinir, et ça lui appartient. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup salué le caractère innovant de cette campagne une nouvelle fois, la force et la solidité d'un programme qu'on a chiffré complètement et on a fait 17 mois de campagne sur le fond, vraiment, en essayant de convaincre. Et il y a une chose qui a été aussi saluée et qui se voit sur les images, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a réussi et c'est son travail. Moi, je veux lui rendre hommage pour ça parce que peu de sa génération politique ont fait le travail. Il a réussi à amener au combat des nouvelles générations dont je fais partie avec d'autres et qui sont prêtes à assumer les responsabilités. Il s'est assuré, lui, de la pérennité du courant d'idées qu'il représente. Il est remplaçable, voilà. Jean-Luc Mélenchon ? Non, je crois que personne n'est remplaçable. Je crois que c'est pas vrai de considérer que les personnages politiques sont interchangeables. Je crois que voilà, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, avec le talent qui est le sien, l'expérience qui est le sien, dans un tas de milieux qui se sont mobilisés hier, ça parle. Les gens, ils se disent, bah, c'est quelqu'un qui triche pas, qui à 70 ans préparait pas une carrière, qui oui allait appliquer son programme s'il avait été élu, et qui donc quand ils voient que ça passe à moins d'un demi-million de voix et que leurs conditions personnelles auraient été, que leur vie aurait changé, eh bien s'interrogent. Mais quelque part, la génération, les générations suivantes qu'il a bâties, toujours avec lui, parce que je l'ai dit, il n'a pas disparu de la circulation, ouais. On aura à construire la suite et on sera au rendez-vous parce que voilà, la tâche l'exige. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. C'est une humiliation de plus, une humiliation de trop. Il faut vérifier que pour l'instant, les Maliens souhaitent toujours le maintien des troupes françaises. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semble moins contesté que la présence française. On dirait le porte-parole de la junte. On arrive à faire croire aux Maliens que c'est les Français qui posent problème. Une première liste de sanctions seront prises à l'égard du Mali. Le prochain retrait des troupes françaises du Mali et les prélèvements forcés d'organes en Chine qui font irruption dans l'hémicycle. C'est le sommaire du numéro 32 d'un Bourbon, sinon rien. Faut-il retirer nos soldats du Mali où ils combattent les djihadistes depuis 2013? La question est posée après que la junte militaire qui contrôle le pays a décidé d'expulser notre ambassadeur Joël Meyer. Celui-ci fait les frais des protestations de Jean-Yves Le Drian au lendemain du rapatriement d'un contingent de soldats danois, rapatriement exigé par la junte. « Cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables », avait déclaré le ministre français des Affaires étrangères. Les Danois devaient en effet participer à la force Takuba, 800 hommes particulièrement aguerris qui opèrent en lisière du Niger et du Burkina Faso, une zone sensible. À l'Assemblée, cette expulsion de notre ambassadeur est vécue comme un camouflet. C'est une humiliation de plus, une humiliation de trop, et que la France doit en tirer toutes les conséquences, et que donc la question du maintien se pose très clairement aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des humiliations permanentes. Mais il y a un défaut d'anticipation de ce gouvernement. Après le retrait de la Suède, le retrait du Danemark, on voit bien aujourd'hui que la France se trouve isolée au moment même où elle préside pourtant l'Union européenne. La France insoumise estime que l'opération Barkhane n'a pas atteint ses objectifs militaires. Il faut donc lever le camp. Il est urgent déjà d'avoir un débat à l'Assemblée nationale. On le réclame depuis longtemps. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale sur, j'allais dire, à la hauteur sur notre engagement là-bas. Il faut vérifier que pour l'instant, les Maliens souhaitent toujours le maintien des troupes françaises. Et en tout état de cause, vu que malheureusement les résultats ne sont pas là dans la lutte, dans l'objectif premier qui était annoncé pour notre arrivée en Mali, il faut programmer un départ. Ça me paraît clair. Mais encore une fois, c'est en lien avec ce que voudront les Maliens. Ce que voudront les Maliens. Encore faudrait-il qu'ils puissent donner leur avis. Éric Coquerel oublie juste que le pays est aux mains d'une junte militaire. Le coup d'État remonte à l'été 2020. Depuis, les États africains et européens pressent les colonels putschistes de rendre le pouvoir aux civils. Mais la junte entend se maintenir aux commandes plusieurs années encore. Le 9 janvier, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a donc infligé de sévères sanctions diplomatiques et économiques au Mali. Les colonels maliens rendent la France responsable de leur isolement. Sans le dire ouvertement, ils souhaitent le départ de nos troupes. Pour remplacer les effectifs tricolores, la junte a fait appel aux paramilitaires russes du groupe Wagner. Un millier de ses mercenaires seraient sur place. Aussi surprenant que cela paraisse, il s'est trouvé un député français pour prendre le parti des putschistes maliens après l'expulsion de notre ambassadeur, le communiste Jean-Paul Lecoq. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le ! Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Le ministre des Affaires étrangères l'a renvoyé dans les cordes. J'aime me battre. On dirait le porte-parole de la junte. Et je voudrais rappeler à Monsieur Lecoq plusieurs choses. D'abord que la présence française et la présence des alliés de la France, y compris le G5, au Mali, mais aussi au Sahel, pour combattre contre le terrorisme, elle est tous les ans réapprouvée, réendossée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que c'était le Mali qui se mettait au banc de l'Afrique. Parce que je constate avec vous, je l'espère, que les 14 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest sont d'accord avec l'appréciation que nous faisons de la situation et ont condamné fermement l'évolution du Mali en faisant un blocus pour obliger le Mali à revenir à la démocratie. Et enfin, j'observe aussi que l'Union africaine, dans son ensemble, a validé les choix des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Il n'en reste pas moins que la diplomatie française est dans l'impasse. L'abandon des bases françaises au Mali apparaît inéluctable. On arrive à faire croire aux Maliens que c'est les Français qui posent problème. Enfin, les Français, ils sont venus pour empêcher qu'ils soient sous la coupe des djihadistes. Manifestement, la stratégie du président de la République est un échec. Elle n'a pas réussi à la fois à ce qu'on reconstruise un État digne de ce nom au Mali, qui soit capable d'apporter l'éducation, la justice, le travail, qui a mis nos militaires à la fois dans des efforts extraordinaires, héroïques, mortels pour 58 d'entre eux, mais aussi dans une situation impossible, parce que on va pas faire la guerre aux djihadistes avec la population malienne contre nous. Ça, c'est pas possible. Raconter ça aux Français, c'est raconter des histoires. Il y a des pays autour qui, eux, souhaitent que les Français soient là pour les protéger, y compris des drames qui vont se dérouler à l'intérieur du Mali à cause de la junte militaire, à cause des dictateurs et à cause des mercenaires russes qui vont venir non pas pour combattre les djihadistes, mais pour combattre la population qui voudrait se débarrasser des militaires. Les socialistes pointent l'influence russe dans cette région de l'Afrique. Pour eux aussi, la France ne peut rester. En effet, c'est la junte qui a pris le pouvoir au Mali, au fond, à des connivences aujourd'hui qui ne nous permettent pas d'assurer la sécurité ni de cette région, pas seule évidemment, ni de nous-mêmes. Donc la question est aujourd'hui posée de la condition de notre présence, de la condition d'un retrait éventuel, pour ne pas laisser une situation qui viendrait menacer la région et nous menacer nous-mêmes. Que va faire le gouvernement ? Jean Castex annonce de nouvelles sanctions contre la junte au pouvoir à Bamako. Un accord politique est intervenu le 24 janvier dernier lors du Conseil Affaires étrangères de l'Union, avec une première liste de sanctions qui seront prises à l'égard du Mali. C'est donc dans ce cadre, Monsieur le Président Lagarde, multilatéral, africain et européen, que nous allons assurer la réponse par rapport à ce qui se passe au Mali, certes, mais par rapport à ce qui se passe sur toute la zone, pour nous réorganiser de façon à conserver l'objectif même et la finalité de notre présence dans cette partie de l'Afrique, à savoir la lutte contre le terrorisme. Dans l'hypothèse de plus en plus probable d'un départ, le dispositif militaire français devrait se redéployer au Tchad et au Niger. À Niamey, 700 hommes sont déjà positionnés, ainsi que des avions et des drones. Ce dispositif devrait monter en puissance sans égaler Barkhane, dont les effectifs, 5000 hommes, étaient appelés à diminuer de moitié en 2023. Cette nouvelle configuration arrange le gouvernement. La montée des tensions avec la Russie et l'engagement de la France dans l'OTAN réclament la projection de troupes aux frontières de l'Europe. 600 soldats français sont ainsi en partance pour la Roumanie. Reste la grande question. Une fois les Français partis, le Mali ne risque-t-il pas de tomber aux mains des djihadistes, de se transformer en califat comme ce fut le cas en Syrie et en Irak avec Daesh? C'est alors toute la région qui pourrait être déstabilisée, sans compter que depuis cette base arrière, les commandos djihadistes pourraient frapper le territoire national. C'est demain soir que débutent les Jeux Olympiques de Pékin. Et c'est aussi demain, vendredi, qu'une proposition de loi déposée par la députée Frédérique Dumas risque de passablement contrarier la diplomatie française. Épaulée par une quarantaine de ses collègues, la députée veut s'assurer que les partenaires non européens des hôpitaux français respectent les règles d'éthique concernant les prélèvements d'organes, et au premier chef, les partenaires chinois. Selon plusieurs témoignages concordants, ces derniers se livreraient à des prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers détenus dans les camps de rééducation situés dans la province du Xinjiang. Beaucoup appartiennent à la minorité musulmane des Ouïghours. C'est ce qu'affirme notamment le lanceur d'alerte Ethan Gutman, qui était mercredi à Paris, pour une conférence de presse en compagnie de la députée Frédérique Dumas. La Chine a institutionnalisé le prélèvement forcé d'organes, à la différence d'autres pays où c'est plutôt des réseaux criminels. Alors que là, les preuves remontent, mon exposé des motifs fait pratiquement 20 pages de preuves comme quoi c'est institutionnalisé. Et donc, à partir du moment où on a toutes ces preuves qui remontent, et on a évidemment Ethan Gutman avec nous, qui est un des journalistes qui a beaucoup investigué sur ce sujet, mais on a aussi l'ONU, le Conseil de l'Europe, qui a dit avoir des informations crédibles sur les prélèvements sur des minorités ethniques et religieuses, et le Conseil de l'Europe sur le fait qu'il ne fallait pas faire confiance à la Croix-Rouge chinoise et au système de transplantation chinois. Donc, les hôpitaux étrangers doivent évidemment se conformer à nos règles éthiques et à notre droit, à nous. C'est écrit, mais on ne va jamais vérifier. Et évidemment, la Chine, comme vous le savez, n'a pas de transparence sur le sujet, ni ne donne pas la possibilité d'aller vérifier. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que à partir du moment où notre droit, nos principes éthiques les plus importants, comme l'ont dit souvent les ministres, c'était notre modèle de droit et de démocratie qui était au cœur de tout ça, est impacté, ou qu'on ne peut pas aller vérifier, eh bien, effectivement, on doit remettre en cause nos conventions. Soit on peut aller vérifier, soit on s'abstient de signer. Ethan Gutman a présenté des images satellites du camp d'Aksou où seraient prélevés ses organes, organes acheminés ensuite par avion vers les hôpitaux de la côte. Selon le lanceur d'alerte, des détenus âgés de 25 à 35 ans disparaîtraient purement et simplement. La présence d'un crématorium dans le camp laisse à penser que les corps mutilés seraient incinérés sur place. Depuis 20 ans, la France a conclu un grand nombre de conventions de coopération avec la République populaire de Chine. Parmi celles-ci, il y a l'apprentissage des techniques utilisées lors des prélèvements d'organes. Dès lors, la question est simple. Comme le souligne la proposition de loi de Frédérique Dumas, les médecins et chercheurs français ne s'exposent-ils pas à être accusés d'être indirectement complices d'éventuels crimes contre l'humanité ? Une première version de ce texte avait été rejetée en avril 2021 par la majorité présidentielle. Mais cette fois, les députés de La République En Marche ne pourront écarter la proposition de loi. Elle est présentée dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Libertés et Territoires. Une fois par an, chaque groupe dispose d'une journée pour soumettre des textes d'initiative parlementaire. L'éthique médicale prendra-t-elle le pas sur la raison d'État ? Réponse ce vendredi, pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Si vous avez apprécié cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. Qu'est-ce que ça a dans sa sale petite poche ? N'oubliez pas, c'est votre soutien financier qui garantit notre indépendance. À lundi prochain, pour la guerre du trône, ma chronique sur l'élection présidentielle. Grand-mère et sa poitrine, grand-mère et ses usines et ses vins secrétaires. Faut voir mère grand diriger ses affaires. Elle vend des courants d'air déguisés en coups de vent. Faut voir grand-mère quand elle compte son magot. Ça fait des tas de zéros pointés comme son derrière. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits épargnants aient le sens des valeurs? Faut voir grand-mère, c'est une tramontane qui fume le Havane et fait trembler la terre. Voir grand-mère cerclée de généraux, être culotte de peau et gagner leur guéguerre. Faut voir grand-mère dressée sous son chapeau, c'est Waterloo où serait pas venu Blücher. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'armée elle bat le bon. Voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos chers piou-piou aient le sens des valeurs? Faut voir grand-mère s'assurer sur la mort un petit coup de presbytère, un petit coup de remords. Faut voir grand-mère et ses ligues de vertu, ses anciens combattants, ses anciens combattus. Faut voir grand-mère quand elle se croit pécheresse, un grand verre de grand-messe et un doigt de couvent. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que les curés sont farceurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits incroyants aient le sens des valeurs? Mais il faut voir grand-père dans les bistrots bavards où claquent les billards et les chopes de bière. Faut voir père grand caresser les roseaux, effeuiller les étangs et pleurer du Rimbaud. Faut voir grand-père dimanche finissant, honteux et regrettant d'avoir trompé grand-mère. Mais pendant ce temps-là, grand-mère se tape la bonne en lui disant que les hommes sont menteurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que notre belle jeunesse ait le sens des valeurs? En 2007, EDF démarre la construction du réacteur 3 de l'EPR de Flamanville. Il devrait être fini en 2012. Sauf que 7 ans plus tard, le chantier s'éternise. Il devait coûter 3,3 milliards d'euros, il en coûtera finalement plus de 11. Tout le monde se doute un peu qu'il va y avoir un petit peu de retard. Mais de là à accuser un retard de presque 10 ans et une facture multipliée par 3, les bornes ont été un peu dépassées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le retour d'expérience sur la construction et le fonctionnement de cette EPR de Flamanville est pour le moment évidemment extrêmement négatif. Pour comprendre pourquoi il y a un problème avec l'EPR de Flamanville, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes en 1986 quand la catastrophe de Tchernobyl se produit. Les autorités françaises veulent construire des centrales nucléaires plus sûres. Et un EPR apporte des garanties en termes de sécurité que ne possède pas une centrale classique. L'EPR, c'est un réacteur qui, dès le départ, se voulait plus robuste, avec plus de redondance des systèmes de sauvegarde, etc. Donc, un réacteur dont l'objectif principal était de réduire le risque d'accident grave ou d'accident majeur. L'EPR est jugé plus sûr. Il est plus gros car la mode est au réacteur plus puissant pour produire plus d'énergie. Ainsi, il permet de compenser les frais de sa fabrication qui est plus coûteuse. La construction démarre en 2007 et très vite, les premiers retards sont évoqués. C'est qu'EDF n'a plus construit aucun réacteur nucléaire depuis 25 ans. Donc il faut renouveler tout un arsenal de compétences. On apprend en même temps qu'on fait. Donc ceci entraîne un retard très important. D'autant qu'en mars 2011, la donne change pour le nucléaire. Un tsunami se produit au Japon et provoque la catastrophe de Fukushima. L'ASN, l'agence de sûreté nucléaire, va alors se montrer plus intransigeante que jamais dans ses contrôles. Ces inspections sont à l'origine de nouveaux travaux et donc de nouveaux retards. En l'occurrence, les soudures, les équipements, les enceintes, tout ça a été passé au peigne fin et certains équipements ont dû être refaits. En 2015, l'ASN publie un rapport alarmant. L'agence estime que la cuve, la baignoire en acier dans laquelle se trouve le réacteur, est défectueuse. Sa trop grande teneur en carbone la rendrait trop peu sûre. Finalement, EDF va effectuer plusieurs tests et obtenir gain de cause. Mais plusieurs mois auront passé. L'autorité de sûreté a finalement jugé que les marges, bien qu'étant réduites par rapport à ce qui était initialement prévu, restaient suffisantes et que donc on pouvait conserver cette cuve en l'état. Et en 2018, l'ASN pointe un nouveau problème, celui des soudures. Ce sont des soudures évidemment plus importantes que celles qu'on trouve chez soi. Il y a donc 8 soudures dont l'ASN a dit qu'elles devraient être refaites. Le problème, c'est que ces 8 soudures importantes sont à l'intérieur du réacteur. Autrement dit, s'il faut refaire ces soudures, il faut détruire cette enceinte du réacteur pour refaire les soudures, ce qui entraîne un retard considérable pour le chantier. Ça peut être 2, 3, 4, 5 ou 6 ans. Il y a une erreur, disons, de conception initiale aussi dans le fait de mettre des soudures à un endroit aussi peu accessible avec un tel enjeu de qualité sans prévoir de pouvoir les réparer. Aujourd'hui, deux thèses s'affrontent. D'un côté, EDF qui assure que les standards de sécurité sont suffisants pour lancer son EPR. Ce que dit EDF, c'est que ces soudures présentent malgré tout des garanties de sécurité suffisantes, qu'on peut donc faire démarrer le réacteur et qu'on profitera du premier arrêt décennal pour les refaire. Et de l'autre, les experts de l'ASN qui disent qu'il faut tout refaire. Sur ce problème de soudure, on a, depuis la conception, la contractualisation, la surveillance de chantier, la conduite globale et la conception du chantier par rapport au risque et jusqu'à aujourd'hui et aux actions correctives, une succession absolument incroyable de défaillances à toutes les étapes de la gestion. Tous ces retards accumulés sont un grand coup porté à la stratégie d'EDF. L'EPR de Flamanville devait être une vitrine à l'international pour le nucléaire français. À l'époque, dans les années 2000, la France rêvait d'exporter des dizaines de ce réacteur dans le monde. La démonstration que fait malheureusement EDF de son incapacité à maîtriser le chantier de Flamanville réduit encore les perspectives d'exportation de réacteurs français. Et alors qu'EDF était précurseur dans la construction d'EPR en France et dans le monde, c'est en Chine, en 2019, que le premier réacteur de ce type voit le jour. les besoins en énergie de la Chine sont tels qu'il a fallu certainement accélérer cet EPR. Il faut rappeler également que EDF, à son maximum, a mis 3000 personnes sur le chantier, là où les Chinois en mettent 10 000, 12 000 ou plus. Il n'empêche que la technologie en France et la Chine est la même, et qu'un certain nombre d'ingénieurs EDF ont été amenés à travailler en Chine sur l'EPR. Et si l'EPR de Flamanville ne voyait finalement jamais le jour? C'est ce que demandent plusieurs associations écologistes. Mais EDF ne veut pas en entendre parler. Comment se résoudre à abandonner un projet qui a coûté plus de 10 milliards d'euros? Il est sûr que cet EPR est aujourd'hui une incertitude extrême qui pèse sur l'avenir d'EDF. C'est d'ores et déjà un accident industriel. Mais si cet EPR parvient un jour à fonctionner, et qui fonctionne pendant 60-70 ans, on oubliera peut-être assez rapidement que la facture s'est envolée, a été multipliée par 3 et que le chantier est arrivé avec 10 ou plus ans de retard. C'est vraiment le problème de ce genre de projet. Il y a un mot anglais qui décrit très bien ça, c'est le entrapment, c'est-à-dire qu'on est piégé dans un projet tellement lourd et dans lequel on a tellement mis d'efforts, d'investissements, que l'abandon ne peut plus être considéré comme une option, alors même que l'acharnement, la poursuite du chantier va coûter de plus en plus cher et qu'à un moment donné, on peut effectivement se poser la question. Il est évident que si l'autorité de sûreté nucléaire dit « il faut refaire les soudures » et qu'on s'aperçoit que ça va prendre 5, 7, 8 ans supplémentaires, la question va se poser. En même temps, est-ce que l'industrie française peut prendre le risque d'abandonner un chantier dans lequel on a investi 11 milliards d'euros? Ça me semble problématique. Surtout que, pour le moment, EDF n'a aucun autre outil pour remplacer les centrales actuelles. C'est l'EPR, et uniquement l'EPR, qui incarne le renouveau des centrales nucléaires en France. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, dans tous les sens du terme, il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme, de rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras, rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction, tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place, trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets, tient un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale, dans ses urnes truquées toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs, tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire, il aura une bourse. Merci, monsieur le maire, c'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes, il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. 14 novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et Tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquina. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau. Pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote. Tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Le 28 octobre dernier a été remis au gouvernement un rapport d'importance au sujet des difficultés relatives au chantier de l'EPR de Flamanville, une centrale nucléaire nouvelle génération qui accuse à l'heure actuelle près de 10 ans de retard et un coût total multiplié par 4. La technologie de l'EPR, pensée au début des années 1990, était censée être la vitrine technologique de la filière nucléaire française dans le monde. Cependant, de nombreux déboires ont affecté le chantier depuis son commencement en décembre 2007. Si l'EPR de Flamanville était destiné à entrer en service en 2012, il faudra désormais attendre 2022, voire 2023, et un coût total passé d'un peu plus de 3 milliards d'euros à plus de 12 milliards d'euros à l'heure actuelle. Cet échec est retentissant pour la filière nucléaire française. D'autant plus que dans le même temps, deux réacteurs nucléaires de la centrale de Taishan en Chine sont entrés en service en 2018 et 2019, alors même que leurs chantiers ont débuté en 2009 et 2010, soit 2 ans après l'EPR de Flamanville. Mais alors, comment est-ce qu'un tel désastre industriel a-t-il pu se produire dans un pays comme la France, qui a pourtant été l'un des plus gros constructeurs de centrales nucléaires au monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'EPR, au commencement, c'était d'abord un projet franco-allemand, qui devait fusionner les projets relativement similaires d'un réacteur de nouvelle génération de deux sociétés, Siemens du côté allemand et Framatome du côté français. Ce type de réacteur devait, du côté français, pallier à la fin de vie initialement prévue d'une partie des réacteurs français de première génération se développant 900 MW, qui arriveront à 40 ans de service en 2020. Il faut également avoir à l'esprit que la conception de ce nouveau réacteur survenait juste après les accidents de Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986. Le nouveau projet se devait ainsi de tirer les leçons de ces deux événements, avec une sécurité globale du site et de la structure renforcée. Après quelques tergiversations politiques au début des années 2000 des deux côtés du Rhin, les Allemands décident de se retirer du projet et EDF lance finalement en 2004 la préparation d'un EPR dit « tête de série ». Le premier béton est coulé en décembre 2007 et la mise en service du réacteur est annoncée pour juin 2012. Voilà en bref pour le projet initial, mais maintenant passons aux complications. D'abord voici une petite synthèse de tous les problèmes qui sont survenus sur le chantier au fil des années et qui sont à la source des retards et des coûts supplémentaires, histoire d'avoir une première vue d'ensemble. Dès 2007 et 2008, on observe déjà des fissurations dans le béton coulé, ainsi que l'absence de certains éléments dans certaines armatures en ferraille. En 2009 sont constatés des problèmes de soudure sur des tuyauteries, en 2011 un accident mortel arrêtera le chantier pendant 2 mois, et à la reprise, la mise en place de nouvelles règles de sécurité ralentira le chantier. On constate également à cette période des problèmes d'homogénéisation du béton et des surfaces pas assez planes dans la piscine de stockage des combustibles. 2012, encore des défauts dans certaines soudures qui doivent encore être réparées. De plus, certaines soupapes ne répondent pas aux conditions des règles françaises. 2014, encore des problèmes de soudure sur des tuyauteries et des générateurs de vapeur. ainsi que certains défauts constatés dans la cuve du réacteur qui nécessiteront des essais supplémentaires. 2015, on constate encore des défauts dans certaines pièces qui ont abouti à des surcoûts de temps et d'argent pour inspecter leur acceptabilité. 2017, encore des problèmes de soudure, et enfin 2019, encore et toujours des problèmes de soudure. Comme on peut le constater, beaucoup de problèmes de soudure. Sachant que là, il ne s'agit pas de petites soudures, mais des soudures d'industrie lourde, qui sont très chères, qui sont très particulières à l'industrie nucléaire, et qui exigent beaucoup de compétences et de temps. Ces problèmes de soudure et de malfaçon sont d'ailleurs d'autant plus aggravés par le fait que les inspections interviennent parfois après que l'accès technique à ces soudures ait été rendu réduite ou impossible par l'avancée du chantier, par le coulage du béton ou autre. Ainsi, pour mieux comprendre le retard pris à la suite de la constatation de certains de ces défauts, il faut s'imaginer que pour réparer certains de ces défauts, des pans entiers du chantier doivent être démolis puis reconstruits. Et en effet, les défauts ont été assez nombreux. Concernant maintenant le coût total du chantier qui est annoncé aujourd'hui à plus de 12 milliards d'euros, contre 3 milliards au départ, l'auteur du rapport pointe 4 grandes sources de surcoût. Le volume des matériaux nécessaires qui a été beaucoup sous-estimé dans certains cas, les impacts réglementaires qui pour une bonne partie ne pouvaient pas être prévus, comme le réexamen des centrales après l'accident de Fukushima en 2011 par exemple, mais aussi plusieurs décrets depuis 2007 qui ont rendu obligatoire certaines études complémentaires, ainsi que un temps d'adaptation des industriels aux nouvelles normes. Ensuite, le coût des délais supplémentaires dus au retard du chantier. Et enfin, certains aléas divers, et notamment les coûts dits tête de série qu'on retrouve dans la plupart des nouveaux projets innovants et qui regroupent toutes les autres difficultés rencontrées au stade des études, de la fabrication ou du chantier lui-même. Au-delà de ces causes de surenchère du coût final de l'EPR, l'auteur du rapport détaille aussi ce qu'il interprète comme une estimation initiale clairement irréaliste. Pour comprendre que le coût global de l'EPR ait été si sous-estimé, il faut aussi avoir en tête que le chantier de l'EPR n'est pas seulement une affaire franco-française dès le départ. En effet, Framatome, qui a depuis été racheté par EDF, assure actuellement deux autres chantiers EPR en Finlande et au Royaume-Uni. Ces chantiers ont été attribués par l'intermédiaire d'un appel d'offres. Or, dans un appel d'offres, c'est l'offre la plus compétitive qui remporte toute la mise, quitte à pouvoir ensuite, comme on le constate aujourd'hui, imposer à son client un certain nombre de retards. Et on peut très bien imaginer que c'est cette raison qui a pu pousser à proposer un prix et une durée de construction facialement très compétitifs, avec un temps de construction annoncé à 54 mois et 3,3 milliards d'euros pour la tête de série de Flamanville, et de 48 mois pour l'œuvre soumise à la Finlande. Or, on le constate maintenant, ces annonces, autant pour Flamanville que pour la Finlande, étaient assez déconnectées de la réalité. Puisque par exemple, la tête de série du dernier groupe de réacteurs français mis en service par EDF entre 96 et 2000, appelé le palier N4, avait pris, elle, 142 mois de construction. Et même concernant la tête de série du groupe précédent, appelé P4, la construction avait pris près de 100 mois. Une construction en 54 mois était donc clairement irréaliste au regard des performances d'EDF en la matière. D'autant plus concernant une tête de série d'une nouvelle génération de réacteurs. Le rapport pointe également une particularité quant à la direction du projet au sein des différentes organisations qui ont assuré son pilotage au gré des années. C'est qu'en réalité, pendant longtemps, le projet n'a pas été dirigé par une personne dont c'était la seule occupation. Chacune des personnes ayant assumé la conduite du projet jusqu'en 2015 assumait en même temps d'autres responsabilités au sein de son organisation. Et ce n'est qu'en 2015 qu'un directeur de projet à plein temps a été désigné. Les équipes en charge du projet semblent également avoir été longtemps dotées de moyens insuffisants en comparaison de l'ampleur du projet, autant en termes d'outils de management que de présence effective sur le chantier. En conséquence de cette situation, l'encadrement des équipes sur le chantier a été insuffisant et des difficultés d'organisation ont été régulièrement constatées. De nombreuses délégations de responsabilités dans les maîtrises d'œuvre ont également été confiées aux entreprises intervenant sur le chantier, entreprises qui n'avaient souvent pas les compétences techniques requises pour mener à bien leur travail et pour correctement gérer et contrôler les sous-traitants qu'elles faisaient elles-mêmes intervenir. Les relations entre EDF et Framatome, qui s'appelait à l'époque Areva, ont également été très peu coopératives sur le chantier, certainement du fait que les deux entreprises étaient à l'époque concurrentes sur les marchés internationaux. Ce qui a beaucoup compliqué les retours d'expérience parallèles sur le chantier de l'EPR de Finlande, qui a été démarré 2 ans plus tôt que celui de Flamanville, à l'époque seulement assumé par Areva Framatome. Depuis, Framatome a été racheté à 75% par EDF, mais ici on ne va pas se lancer dans le détail de toutes les circonvolutions de la filière nucléaire française ces dernières années, ce n'est pas l'objet de la vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Sur la préparation des études d'ingénierie également, la direction du projet a beaucoup sous-estimé le nombre d'heures de travail nécessaires. Cette direction estimait qu'environ 40% des études seraient réalisées lors du premier béton coulé fin 2007, soit 3 millions d'heures sur les 5 millions au total. Or, les dernières prévisions estiment maintenant que plus de 20 millions d'heures totales sont en réalité nécessaires. De plus, un des grands facteurs ayant facilité toutes les difficultés rencontrées au cours du chantier est une perte généralisée des compétences de construction de centrales nucléaires dans toute la filière française, autant chez EDF dans sa capacité de direction d'un tel projet, que chez les industriels fabricants de composants et pièces. La pause de 16 ans qui sépare le début de la construction de la dernière centrale du palier N4 en 1991 et le début de la construction de l'EPR de Flamanville en 2007 a impliqué que beaucoup d'experts du sujet sont partis en retraite pendant ce temps et que les savoir-faire n'ont pas été entretenus et pratiqués durant cette période, d'où une perte de compétences généralisée de tous les acteurs impliqués. Enfin, concernant la performance chinoise sur la construction de leur propre centrale EPR, l'auteur explique que ce chantier, qui a démarré 2 ans après celui de Flamanville et 4 ans après celui de Finlande, a pu bénéficier du retour d'expérience de ces chantiers finlandais et français, qui leur a permis d'éviter les lourds incidents des deux premiers chantiers. De plus, la filière chinoise a pu profiter du maintien en activité constante ces dernières années, de ses compétences en la matière, et notamment en matière de soudure, qui a été le point faible du chantier de Flamanville. De plus, la possibilité spécifique à l'industrie chinoise de faire intervenir des moyens humains considérables en très peu de temps en cas de nécessité a également été cruciale à cette mise en service plus rapide de la centrale de Taishan. En conclusion, le rapport souligne que malgré l'échec cuisant de la mise en œuvre de ce chantier, les dernières orientations d'EDF concernant la mise en place d'une équipe de projet puissante doit être conforté. Et bien sûr, il confirme les énormes nécessités de refondation de compétences techniques perdues, notamment par la construction de nouveaux réacteurs sur le long terme, afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise à l'avenir. Voilà pour ce dossier. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus de détails, vous pouvez aller lire directement le rapport sur lequel est basée cette vidéo dans la description. Et autrement, si vous l'avez appréciée cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur le sujet. Ça aide beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon dans le salon chinois. Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trigue, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon,

rappelle la télé, la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut. Je me sens toute transisteuse, tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rubis. Des fois, je suis comme les grues qui font du sentiment. Je fais pas payer trop cher et tout le monde est content. Des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Moi, ça me ramène à cette vieille question. Vous savez, quel est le propre de l'homme? On a beaucoup glosé dans les milieux de la philosophie. Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est le rire? Est-ce que c'est l'attrait pour la spiritualité? Si on regarde dans les faits, peut-être que plus tard, ceux qui viendront diront, bah non, le propre de l'homme, c'était la destruction. C'est comme si la conscience était impuissante. Et ça, c'est terrible, parce que c'est ce qu'on voit. La prise de conscience est générale aujourd'hui. Il y a presque plus de climato-scepticisme en Europe, par exemple, ça recule partout dans le monde. C'est comme si c'était à fait acquis. Mais quand on regarde les chiffres de l'action de l'espèce humaine sur son environnement, les émissions de gaz à effet de serre ont repris en 2021 pratiquement leur valeur de 2019. Il y a ce rebond dont tout le monde se félicite, vive la croissance. On est un petit peu schizophrène. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est celle que j'exposais dans mon précédent livre qui s'appelait Le bug humain, qui montrait qu'on a dans notre cerveau un petit système qui nous donne du plaisir à chaque fois qu'effectivement on s'achète un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, qu'on va faire un voyage à l'autre bout du monde, et que ce petit plaisir nous mène comme ça au quotidien bien plus fort que la conscience des enjeux plus distants dans l'avenir. Et puis la deuxième problématique, c'est non pas celle qui se passe dans notre cerveau, mais dans la dynamique d'ensemble du système humain qui s'est créé aujourd'hui, ce système incroyable où il y a 8 milliards d'individus qui sont connectés par Internet, par des satellites, par des voies de télécommunication, et qui forment un organe, en fait. Si on la regarde de l'extérieur, cette humanité, elle est très connectée, elle ressemble à un cerveau géant. Et la question que je me suis posée, c'est ce cerveau géant, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce qu'il a des objectifs? Est-ce qu'il a des émotions? Est-ce qu'il a un langage? Est-ce qu'il a une façon particulière d'agir? Et donc j'ai pris l'approche d'un clinicien qui se dirait, bah, si l'humanité entière forme un cerveau géant, quelles sont les caractéristiques de ce cerveau géant? Hélène, Arnaud, vous vous souvenez de qui est Ted Bundy? Non. Vous savez, le tueur en série. Le grand tueur en série américain. Eh bien, vous faites, Sébastien Boller, cette comparaison assez osée entre l'humanité et le psychopathe Ted Bundy, qui a assassiné dans des circonstances absolument affreuses des tas de femmes. Vous dites que les ressorts de son cerveau à lui sont finalement les ressorts du cerveau de l'humanité aujourd'hui. Oui, c'est pas un constat auquel je suis arrivé tout de suite. J'ai commencé par passer en revue les grands traits psychologiques de cette humanité globale en posant simplement la question quel est le discours de l'humanité? Comment elle s'exprime? Et on regarde, l'humanité a un discours sur elle-même depuis ses origines, depuis les premiers textes sacrés, et qu'est-ce qu'on voit? Que c'est systématiquement, les humains se placent au-dessus des autres espèces vivantes. Et il est dit, l'homme a été fait à l'image de Dieu, il a le droit de dominer les animaux, d'en disposer, c'est lui le maître sur Terre. Et donc il y a une espèce de formidable complexe de supériorité. Ça, c'est la première caractéristique d'un psychopathe. Ensuite, que fait l'humanité depuis qu'elle existe? Depuis les premiers hommes, il y a 2,5 millions d'années, les Homo habilis, ceux qui ont commencé à tailler des outils en pierre taillée, commencent à transformer en fait le monde, la matière, d'abord là, les cailloux, et puis ensuite les plantes, les semences, les animaux, pour en faire des instruments, pour les utiliser à son propre avantage. C'est-à-dire que la nature n'est pas vue comme une fin, mais comme un moyen. Elle est systématiquement un instrument. Donc ça, c'est l'instinct de manipulation qui est très développé dans l'organisation de nos sociétés. On manipule tout ce qui nous tombe sous la main. Et ça, c'est la deuxième grande caractéristique du psychopathe, que soit Ted Bundy ou d'autres. C'est face à quelqu'un, je n'ai pas un être à respecter, mais j'ai quelqu'un à utiliser. Voilà. Et la troisième grande caractéristique bien connue des psychopathes, c'est le manque d'empathie. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, devant la souffrance de quelqu'un, sont choqués, reçoivent cette souffrance par une résonance émotionnelle, une émotion en miroir, et ne peuvent pas faire de mal à cause de cette empathie-là. Les psychopathes, eux, en sont dépourvus, ce qui fait qu'ils peuvent infliger des souffrances horribles à leurs victimes. Mmh. Pareil, si on regarde comment l'humanité se comporte vis-à-vis de la planète, eh bien la souffrance des écosystèmes, qui est majeure, 60% de biodiversité perdue en 50 ans, les glaciers qui fondent, la disparition des espèces, l'exploitation des animaux dans des conditions industrielles, ok, ça va peut-être susciter de l'empathie chez les personnes qui sont devant leur téléviseur, mais dans l'action globale des organisations et des États, non, tout continue. Donc le système n'a pas d'empathie. Et puis enfin, le système n'a pas le réflexe de réguler ses actions en fonction des conséquences à long terme. Et dans toutes les opportunités qu'ont les... On pense au plaisir immédiat. Voilà, plaisir immédiat, avantage immédiat en bourse, gisement gazier à exploiter tout de suite. On se soucie pas du futur. C'est la quatrième grande caractéristique des psychopathes. La cigarette sans tabac. On fume à l'eau démocrate. Et le remords des coups de jatte. Avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre. Et la pitié. À la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles. On savait que c'était pas la révolution, mais on savait pas ce que c'était. Donc on savait où on n'allait pas, on savait pas où on allait. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes, Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Mon père était dentiste, ma mère élevait, on était cinq mômes. Elle élevait les cinq mômes, elle travaillait pas. Mon père était de gauche, il votait ou PS ou PC, mais en me disant toujours comme le PC prendra jamais le pouvoir, je peux voter pour eux. Ma mère faisait comme lui, donc elle votait à gauche, et mes frères étaient quasiment tous au PC. Quand il rentrait de manif, il parlait du parti. Pour moi, le parti, c'était la gauche, fallait vendre l'Humain Dimanche avec mon frère. Donc je vendais l'Humain Dimanche en bas de la rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement, et c'était un peu logique, c'était la suite logique, non pas de l'éducation de mes parents, mais de mes frères, qui étaient tous plus vieux, sauf un jumeau, qui par définition, à mon âge, était envoyé à Moscou comme le meilleur vendeur de l'avant-garde, Gare Saint-Lazare, en 57. Donc j'avais 17 ans, 16 ans, en 57. Il y avait le grand défilé de des milliers de délégués, puisque c'était le Festival Mondial de la Jeunesse. Moi, j'ai rencontré une femme qui était dans la délégation algérienne, on est devenus copains, puis elle m'a fait rencontrer la délégation, et c'est là où on s'est fait engueuler, où les Algériens nous ont dit « Vous faites pas la moitié de ce que vous avez fait pour le Vietnam, vous jetez pas les armes à la mer ». C'est là que j'ai commencé à branler dans le manche sur le problème de l'Algérie, l'aide au FLN. Quand je suis rentré, où j'ai chopé la jaunisse, mon frère jumeau, qui lui était déjà trotskiste alors que moi j'étais stalinien, mais qui commençait à me poser des problèmes, je lui ai dit « je veux adhérer à un truc de soutien au FLN ». Il m'a fait rencontrer un gars qui s'appelait Michel Fian, qui dirigeait Jeune Résistance. On distribuait soit des tracts dans les trains qui partaient vers l'Algérie, soit on bloquait les trains à des endroits où des camarades les attendaient, ils avaient peint sur les murs, on distribuait des tracts, mais on faisait toute une activité vis-à-vis des soldats qui devaient partir en Algérie. Et ensuite, on organisait leur désertion vers la Suisse. Parallèlement, il y avait le réseau de soutien direct au FLN avec les bagnoles, où il fallait faire son lacet de chaussures dans une rue de Paris avant qu'une voiture passe avec le fric du FLN. Enfin, bon, je passe les détails, mais je sais que j'ai donné des coups de main, notamment pour aider à la libération de prisonniers à Fresnes, et où je me suis retrouvé une nuit à être obligé, mais ça m'a fait plaisir, d'embrasser une jeune militante qui était aussi monitrice des vaillants et vaillantes, et on surveillait l'arrivée des flics ou l'arrivée des gardes de la prison de Fresnes pour pouvoir alerter qui de droit. Alors là, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 60, quand l'OS a commencé à faire des petits en Algérie, mais à Paris, puisqu'ils ont même y compris plastiqué mon appart. J'habitais à l'époque chez mes parents en rue Tédebout, mais ma pièce a été plastiquée, donc il y a eu une manif avec le PC et tout. Et c'est là où on a créé, avec l'aide d'intellectuels qui, eux, ont créé le FACUIRA, Jean-Paul Sartre, Laurent Schwartz, son fils, etc. On a créé, nous, le Fonds universitaire antifasciste. C'était donc une organisation de jeunes contre l'OS. Il y avait un peu de tout là-dedans, des catholiques, des communistes, des inorganisés. On faisait des meetings, on faisait des manifs, donc on empêchait les étudiants d'extrême droite d'aller à l'université, on allait leur casser la gueule dans des meetings, dans la rue. Elles s'ennuyaient pas. Et notamment en avril 68, quand on a appris que Dutschke avait été victime d'un attentat, je me rappelle, il y avait une manif devant l'ambassade d'Allemagne, dans le 16e arrondissement. Puis on est rentré peinard, on était plusieurs milliers d'étudiants, et puis d'un seul coup, les étudiants spontanément ont décidé de traverser la Seine, il y a un pont, ils ont pris le pont, sans arriver au quartier latin, ils ont saisi les bouteilles, les verres sur les terrasses de café, ils ont tout balancé sur les flics, qui étaient en képi, qui se demandaient ce qui leur arrivait, et ça, moi, j'ai appris énormément sur la spontanéité d'un mouvement. Non pas pour aller jusqu'au bout, on n'a jamais été jusqu'au bout, mais pour démarrer. Pour démarrer, il n'y a pas besoin d'une organisation. Quand ça, les événements commençaient à péter au quartier latin, en fait, j'étais plus étudiant. Mais je suis redevenu étudiant parce que la cour de la Sorbonne, il y avait Trotsky, il y avait Ho Chi Minh, il y avait Che Guevara, Staline, il y avait tout le monde, il y avait tous les groupes possibles et inimaginables. Donc là, j'étais à l'aise. Donc je suis retourné au quartier latin. Et je me souviens, par exemple, que lorsqu'ils ont fermé la Sorbonne, tout début mai, c'était 3 mai, on était quelques centaines, 200, 300. On s'est fait arrêter très poliment par les flics, mais c'est la première fois qu'ils rentraient à la Sorbonne. Ils nous ont mis dans les cars. Et là encore, spontanément, on s'est retrouvés dans l'écart, mais entouré par des milliers d'étudiants qui gueulaient libérer nos camarades, qui balançaient des paffetons et tout, c'était complètement spontané. Et on s'est redit, il se passe quelque chose. On avait tous les jours une réunion devant des milliers d'étudiants à Denfert-Rochereau. La Sorbonne va devenir un bouillon de culture quotidien avec l'Assemblée Générale. Tous les soirs dans le Grand Amphi, où il y avait tout le monde, ça va être le centre nerveux. À la fin des manifestations, on se retrouvait d'une part en bas de la statue d'Enfer-Rochereau, et on se retrouvait, moi en tout cas personnellement, puisque je représentais le seul groupe d'extrême-gauche qui était admis quasiment, la JCR, mais il y avait l'UNEF, le SNES-SUP, donc GESMA, Cohn-Bendit, Sauvageot, au siège de l'UNEF, qui à l'époque était rue Soufflot. Et je sais qu'on avait des discussions qui servaient à rien, parce qu'on discutait pas de ce qui allait se passer, des perspectives politiques, on discutait vaguement de qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on fait demain. Mais il n'y avait jamais de vraies discussions politiques. La seule fois où il y a eu vraiment des prises de parole, c'est que je me rappelle d'un débat où il y avait Cohn-Bendit, Ben Saïd, où ils se sont engueulés tous les deux sur le sens des assemblées générales. Ben Saïd disant qu'il faut des délégués élus révocables, Cohn-Bendit disant les assemblées générales, c'est ça suffit. Et je me souviens, puisqu'il faut donner des souvenirs, que à Denfert-Rochereau, où ceux qui prenaient, où on me disait aux étudiants, vous voulez aller où, tout le monde gueulait, c'est pas grave. Mais ceux qui dirigeaient, c'était soit Cohn-Bendit qui avait le micro, c'était le seul qui avait le haut-parleur en haut de la statue d'Enfer-Rochereau, soit nous qui avions le service d'ordre en bas, mais les deux n'étaient pas démocratiques. On emmenait les étudiants où on voulait, au micro ou au service d'ordre. Je me rappelle des gens coupant les arbres et levant les grilles des arbres pour en faire des armes. Je me rappelle les cocktails balancés sur les bagnoles pour les brûler. Tout ça, je me souviens. La construction des barricades. Je me rappelle que quand j'allais sur le boulevard Saint-Michel, là, c'était pas tous les arbres, d'ailleurs. On le voit aujourd'hui, il y a des jeunes arbres très légers, puis il y a des gros arbres qui restent. Les jeunes légers, ceux qu'on repoussait après, les autres, on les a coupés. Mais généralement, c'était bien fait sur le boulevard Saint-Michel, avec des gros arbres, les grilles des arbres qui étaient bons, les bagnoles qui étaient bien allongées pour bien cramer, c'était bien fait. Puis il y a d'autres barricades, notamment rue Gay-Lussac, tout près de là où on était, qui étaient quasiment faites devant des impasses. Donc ça servait absolument à rien, mais elles étaient là quand même. Mais ce que je retiens surtout, c'est une bagnole qui brûle parmi d'autres qui brûlaient, et un gars hilar qui me dit « Tiens, c'est ma bagnole, elle brûle ». Un gars du coin, de la rue Gay-Lussac, ça devait pas être un ouvrier. Bon, c'était le quartier latin en état d'ébullition généralisée, avec des barricades partout. Et quand à 6-7 heures du matin, on est sorti de l'école normale supérieure d'Ulm, le quartier latin était vide, désert. On s'est dit, tiens, il s'est vraiment passé des trucs énormes. J'y aurais quand même peu cru, parce que j'avais une solide formation politique qui me faisait dire qu'une situation révolutionnaire demande qu'il y ait une ou plusieurs organisations révolutionnaires qui y croient. Et ça, je savais qu'on n'avait pas. Bon, j'étais plus ou moins à la direction des JCR, je connaissais notre force et notre faiblesse, et nos faiblesses. Et parmi ces faiblesses, il y avait cette implantation minable en milieu ouvrier. C'était une fin d'après-midi, donc je suis rentré dans l'amphi. Il y avait 2000 ou je ne sais plus combien d'étudiants. Je leur ai uniquement dit, il y a des grèves qui commencent à Renault-Billancourt, il faut y aller. Tout le monde, ouais, on y va, doute. Donc les ouvriers étudiants, on y va. On a traversé Paris à plusieurs milliers en manifestant. On est arrivé à Renault-Billancourt et c'est là où on a trouvé une usine, le fief ouvrier, complètement fermée, bloquée. Après j'ai su que c'était, mais je me doutais, par le PC et la CGT, sauf quelques ouvriers qui nous faisait des grands signes, qui chantait l'Inter sur les toits et tout, mais bon. Alors moi, j'ai pas été déçu, je m'en doutais, mais la masse des étudiants qui étaient là comprenaient pas. En disant liaison ouvrier-étudiant, pourquoi elle a pas lieu, c'est scandaleux, mais pourquoi, mais bon. Alors après, il a fallu expliquer le poids du PC, tout ça. C'est le début de la crise du PC et de la CGT, mais ça n'apparaît pas encore. Moi, je sais que à partir de juin, on a été interdit. On est donc devenu clandestin. Donc nous, on avait nos réunions clandestines dans des endroits chez des intellectuels, des artistes, des comédiens très connus d'ailleurs, mais qui nous hébergeaient ou qui hébergeaient nos réunions. Je ne dormais plus chez moi, j'avais donc donné rendez-vous à ma femme devant mon ancien lycée, mais d'autres gens connaissaient mon ancien lycée, devant le lycée Condorcet. Je l'ai vue, elle, mais j'ai pas vu que le marchand de journaux, les mendiants, ça, c'était tous des flics. Donc, ils m'ont arrêté, et moi, ils m'ont envoyé à la Santé au bout de quelques jours. Donc, j'étais à la prison de la Santé. J'y suis resté un peu plus d'un mois. Mais chaque fois que j'étais emprisonné, en 73 aussi, le président de la République est mort. Donc, je n'ai jamais été inculpé. Chaque fois, était amnistié. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une série de mouvements, d'abord, où au départ, on n'y était pas, ensuite, on y était massivement, le mouvement des femmes, le mouvement homosexuel, le mouvement des émigrés. Je me rappelle la création du FUA, avec un camarade au Quinguem qui faisait en même temps le quotidien, parce qu'on sortait un quotidien en 68. Donc, il y avait des grèves, même certaines très dures. Ça a été 2-3 ans, là encore d'activité minoritaire, mais internationaliste, anticapitaliste. Ça a permis à notre organisation, même si on a dû changer de nom, de se ressaisir. Ce que moi je retiens, c'est l'idée qu'il peut y avoir une explosion sociale massive, on est peut-être à la veille, sans qu'il y ait un parti qui porte cette explosion au départ. En se posant le problème, est-ce qu'on peut avoir une auto-organisation permanent, une autogestion, par exemple, permanente. Il y a eu l'IP, il y a eu le joint français, il y a eu une série d'exemples drôlement intéressants qu'il fallait soutenir à fond, mais qui n'ont pas duré. Donc le problème auquel on est confronté, c'est comment avoir une auto-organisation, une autogestion massive, avec des délégués qui remplacent le pouvoir officiel qui vaut rien, mais qui dure. Ce qui reste, c'est justement cette idée que les gens peuvent devenir méconnaissables. Aujourd'hui, ça reprend métro, boulot, dodo, on se croise le matin, il fait nuit, on se dit pas bonjour, le soir, on rentre, il fait nuit, on se dit pas bonjour. Ça n'existait pas à l'époque. On conduisait pas seul sa bagnole, parce qu'il y avait la grève des métros et des bus, donc c'était normal d'ouvrir sa bagnole à tout le monde, de discuter la nuit avec tout le monde. Alors là-dessus, les artistes, les comédiens, ils avaient raison. C'était un autre monde qui s'ouvrait. Aujourd'hui, il y a un individualisme énorme. Il y a à la fois un anticapitalisme puissant mais localisé, il y a un écœurement généralisé, il y a gauche-droite, les gens ne font plus la différence parce que la droite fait une politique d'extrême droite et la gauche une politique de droite. Les gens en ont marre de tout ça. Ils veulent un mouvement général prolongé qui tienne. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé. L'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes, croassez leurs stupides chants. Ils voudraient encore les brigands salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et les teignoirs, sous la calotte et les teignoirs. Mais de nos bulletins de vote, nous accablerons ces gredins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos

Liste incomplète des journalistes et éditorialistes qui nous expliquent comment réformer les retraites. Olivier Mazerolle, 77 ans. Jean-Jacques Bourdin, 70 ans. Jean-Pierre Elkabbach, 82 ans. Hélène Pilichowski, 71 ans. Catherine Ney, 75 ans. Alain Duhamel, 79 ans. François de Closet, 85 ans. Christine O'Krent, 75 ans. Arlette Chabot, 68 ans. Robert Namias, 75 ans. Pierre Veille, 69 ans. Jérôme Jaffré, 80 ans. Olivier Duhamel, 69 ans. Michel Cotta, 82 ans. Daniel Cohn-Bendit, 74 ans. Romain Goupil, 68 ans, etc. Donc, le monde, le journalisme, c'est une bonne profession parce que ça fait vieillir longtemps. On est vieux longtemps. On commence de bonne heure à être vieux et puis on finit longtemps après à être vieux, à continuer à être vieux. Oui, c'est ça. Le journalisme à la française, avec les gouvernements de droite qu'on a depuis plus de 50 ans, ben évidemment, on a des journalistes qu'on mérite. Eh oui, on vote mal parce qu'on écoute les journalistes, et puis ensuite, comme on écoute les journalistes, eh bien, on vote mal. Eh oui, c'est un cercle vicieux. La conséquence et la cause s'enchaînent les unes derrière les autres. Voilà, voilà, nous sommes des citoyens... Enfin, bon, passons. Le vendredi 24 mars 1944, dans Rome occupée par les troupes hitlériennes, et que les troupes nazies cèdent peu à peu sur le front du Monte Cassino, devant les alliés, dont des troupes françaises venues d'Afrique du Nord, dans lesquelles il y avait beaucoup d'Africains, pas beaucoup de Français nés dans l'Hexagone, hein, beaucoup de Français, à l'époque, venant d'Afrique, Afrique du Nord ou centrale. Les alliés piétinent encore. C'est grâce à ces Français d'origine exotique, dirait l'autre, que le Monte Cassino est tombé. Ben oui, parce que les armes, l'armée de l'air et les canons ne faisaient pas le poids. Oui, il y avait la distance, l'altitude, etc., l'épaisseur des fortifications. Heureusement, les tirailleurs algériens ont contourné l'obstacle discrètement, de nuit, et ils ont permis la conquête de la position. Dans Rome, toujours occupée, les nazis avaient fêté l'anniversaire de la fondation du NSDAP un mois plus tôt. Alors, je vous raconte Monte Cassino parce que il y a des élèves du lycée professionnel de Remiremont qui ont fabriqué une stèle qui est partie là-bas. Voilà. Qui est posée à Monte Cassino. Le dimanche 20 février 1944, les services alliés demandent aux sostenitrices d'agir sur les lignes arrières de l'ennemi. La formation militaire du Parti communiste italien et ses groupes d'action s'engagent dans l'appui demandé. Ils préparent une attaque à l'explosif sur un parcours en plein centre de Rome. Un parcours où chaque jour, un détachement de policiers nazis défile avec tambour et fifre. Vociférant les chants détestés, la bombe est installée sur une charrette et dissimulée sous des gravats. La puissance de la bombe va provoquer la mise hors d'état de nuire de 33 policiers. La répression va s'abattre sur des otages déjà détenus. Des civils sont arrêtés au hasard. Il faut 10 Italiens tués pour un Allemand. 335 civils italiens sont exécutés par balles dans la nuque. Les corps sont empilés dans la carrière des fosses adriatines. Le capitaine Éric Prible établit la liste. 3 jours plus tard, l'entrée des carrières est détruite à l'explosif. La plus jeune des victimes avait 15 ans. Ce massacre à grande échelle est dans les mémoires italiennes, tel celui d'Oradour-sur-Glane en France. Qu'on s'en souvienne. Les occasions de s'en souvenir ne manquent pas. La bourse. Qu'est-ce que la bourse a à voir avec le sujet précédent? Oh ben, c'est vous qui voyez. Alors, les actions de Albioma en hausse de 29,52%. Alors, que fabrique cette entreprise? J'en sais rien. CGG augmentation de 64,44%. Ensuite, Thalès, plus 50,53%. Et puis, voilà. Bon, hein, ça va bien. Il faut acheter des actions, si on a les moyens, puis si on a envie. Hein. À Kiev, le bal diplomatique se poursuit, sans Macron. Plusieurs leaders européens ont apporté récemment in situ, leur soutien à Volodymyr Zelensky. Leurs pays fournissent aussi des armes à l'Ukraine. Pendant ce temps, le premier ministre autrichien était le premier dirigeant européen depuis le début de la guerre à rencontrer Vladimir Poutine. 15 jours avant l'invasion russe, le président Macron s'était rendu à Kiev. Depuis, il a échangé régulièrement par téléphone avec Zelensky. Tentera-t-il d'y retourner entre les deux tours? Tentera-t-il de faire une action d'éclat entre les deux tours? Point d'interrogation. Ça, c'était pas dans l'article, c'est moi qui l'ajoute. Alors, les Antilles et Éoliens affichent leur opposition au projet de Vauville. À Highville, A-H-E-V-I-2-L-E. Alors, une question que l'on peut poser, c'est si on remplaçait les éoliennes par des mini-centrales nucléaires, hein, des mini-centrales, vous savez, celles qu'on pourrait mettre, bon, je sais pas, une par département, ou une par canton, une par arrondissement, une par commune, qui sait. Hein? Et puis même il y a des particuliers qui pourraient mettre une mini centrale nucléaire dans leur jardin, et puis un mini stockage des déchets aussi dans le jardin. Eh ben oui, les déchets nucléaires, il va bien falloir en faire quelque chose un jour, parce que les stocker massivement à Bure, c'est très très très risqué. Hein? Oui. Eh oui, c'est comme Tchernobyl, ça vieillit très très très lentement ces choses-là. Eh oui, alors voilà, faut en trouver des solutions. Techniquement réalisable. Voilà. Ah tiens, les élections. Remiremont, hôtel de ville, inscrit 648, votants 453, exprimé 448, blanc 5, nul 0. Alors, Artaud 2, Roussel 14, Macron 152, Lassalle 7, Le Pen 91, Zemmour 32, Jean-Luc Mélenchon 81, Anne Hidalgo 3, Yannick Jadot 22, Valérie Pécresse 29, Poutou 5 et Dupont-Aignan 10. Voilà, ça c'était le centre. Alors le centre de l'univers, le centre de gravité de la commune. Alors prenons au hasard, le groupe scolaire du Rumont. Alors 878 inscrits, un peu plus qu'au centre-ville, hein, une centaine de plus, 200 de plus. Ensuite, votants 516, exprimés 677, blancs 9, nuls 6, 9 et 5. Ensuite, Nathalie Arthaud, 5, Roussel, 6, Macron, 159, eh oui. Ensuite, Lassalle, 15, Le Pen, 65, Zemmour, 23, Mélenchon, 75, Anne Hidalgo, 8, Jadot 22, Pécresse 23, Poutou 3 et Dupont-Aignan 13. Voilà. Eh oui. Alors donc les pourcentages au total, hein, pour la commune de Remiremont, si on prend les principaux candidats, enfin ceux qui ont eu le plus de voix, Macron 32%, Le Pen 22%, Mélenchon, 19,86. Voilà. Bravo les électeurs. La France insoumise a toujours un rôle à jouer au second tour. C'est ce que déclare François-Xavier Vin de la France insoumise. L'avenir en commun. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, voilà. Alors, on continue à voter. Fiasco des partis traditionnels. Deux points. À qui la faute? Point d'interrogation. Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, entre la dame du fer, c'est bien beau, mais quoi faire? Être la dame du fer, ouais, ouais. Alors, fiasco des partis traditionnels, à qui la faute? Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté au crayon, à côté du titre officiel et imprimé à l'encre noire dans le journal, et le chômage. Et le chômage. Le problème numéro un de la société française actuellement, ce qu'on n'a pas compris les journalistes, ni les capitalistes, ni les politiques, c'est le chômage. Le chômage qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir en 1933 en Allemagne, ce qui nous a valu une guerre mondiale avec 64 millions de morts. Eh oui, tout ça pour un bulletin de vote. Hein? Or, ils n'ont pas fait exprès les Allemands, ils ne savaient pas qu'ils allaient déclencher une deuxième guerre mondiale en votant pour un olibrius. Eh oui, ben voilà. C'est comme ça marche, la politique. Et oui, les conséquences sont pas forcément celles qui apparaissent le mieux. Pourquoi le PS n'est pas encore totalement ruiné? Un dernier tour de piste avant de mettre la clé sous la porte. Point d'interrogation. Le PS mise déjà sur les législatives pour tenter de survivre. Financièrement aussi. Ah oui. Faudrait faire adhérer des banquiers, des chefs d'entreprise ou au parti socialiste. Mais le mot socialiste, ces gens-là, ils aiment pas. Ils aiment pas le mot socialiste. Oh non, oh, c'est une idée qu'ils ont tendance à... Oh. Les Verts cherchent 2 millions pour survivre. Eh oui, si on... Moi, j'aurais eu tendance à faire un chèque pour les aider, mais vu les propos qu'a tenu leur chef, Yannick Jadot, à certains moments, non, plus jamais je ne ferai un geste en faveur de ces gens-là. Plus jamais, non. Les candidats en dessous de 5% n'ont pas été capables, à cause de leur ego, d'avoir le sens de leur devoir de bien comprendre que quand on est candidat à la présidentielle pour un courant politique, on est au service de cette histoire. Ce n'est pas l'histoire qui est au service de votre petit ego. Signé, qui a écrit ça? Eh ben, Ségolène Royal. Eh oui, elle peut écrire ça parce qu'elle a été sabotée par des salopards à une époque. Eh oui. Ben oui, des salopards, on en trouve partout, hein. Des gens qui se disent de gauche, et puis qui en fait, ben non, ils sont pas de gauche. Mais non. C'est des... Enfin, bon, des hypocrites. Abstentionnistes séduits par Mélenchon et maintenant courtisés. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon détiennent une des clés du second tour de la présidentielle. Que feront les habitants des quartiers populaires qui ont voté massivement pour lui dimanche en battant des records de participation dans des bureaux habitués à une forte abstention? Avec 21,95% des voix contre 23,15% pour Marine Le Pen, il a manqué un peu plus de 420 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au second tour. Le candidat de l'Union Populaire a gagné plus de 600 000 voix par rapport à 2017, malgré une participation plus faible qu'il y a 5 ans. Alors ceux qui n'ont pas voté pour Mélenchon, les écolos, les socialos, les cocos... Eh ben, il y en a qui vont vous considérer comme des traîtres. Ah oui, oui, eh ben, les conséquences historiques d'un vote, parfois elles sont très, très, très importantes. Parfois très importantes. Eh oui, rappelez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, pour un bulletin de vote, hein? Un bulletin de vote, paf, 60 millions de morts. La peste ou le choléra, Macron-Le Pen. Ah oui, Macron, Le Pen, la peste ou le choléra. C'est vous qui voyez. Il y a une troisième solution, mais ça je vous dirai pas. Je fais pas de politique moi. EDF sacrifié sur l'autel de la libéralisation. Eh oui, parce que EDF a été créé par les résistants en 1945, ceux qui avaient participé à la libération, qui avaient favorisé la libération, qui avaient facilité la libération, c'est-à-dire des résistants. Des militants politiques de gauche, hein. Alors maintenant, ben évidemment, le temps a passé. Braquage en bande organisée, aberrant, point d'interrogation, pas vraiment du point de vue des alternatifs, qui ne produisent pas un gnon d'électricité et se bornent à l'acheter pour la revendre. L'Europe de l'énergie leur a fourni deux avantages compétitifs. L'accès au marché de gros, et quand les cours s'envolent, l'accès à EDF qui doit alors brader son électricité en pure perte. Et voilà que concomitamment à la crise du gaz, EDF a dû arrêter 10 de ses centrales, pour maintenance et ne produit plus les volumes d'électricité escomptés par ses concurrents. Le système capitaliste est quand même bien, hein. Ah oui, moi je félicite certains des auditeurs parce qu'ils ont bien voté. Depuis 50 ans, le Français moyen, il vote de très très moyennement. Ah oui, il mérite une note moyenne et même un peu en dessous de la moyenne. Ah oui, si on est méchant, en dessous de la moyenne. Mélenchon échoue aux portes du second tour. Ce candidat de l'Union populaire manque de peu le deuxième tour, mais il conforte encore un peu plus son rôle de première force à gauche, décroché en 2017. Vous ne devez pas donner une seule voix à Marine Le Pen, a lancé Jean-Luc Mélenchon, sans donner de consigne de vote pour Emmanuel Macron. À 15 jours du second tour entre Macron et Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'est inquiété d'un état d'urgence politique, venant s'ajouter à un état d'urgence écologique et sociale. Voilà. Alors si certains qui sont arrivés, qui ont été punis par les électeurs, hein, à qui on a donné que quelques pourcents de voix, ne s'étaient pas présentés, eh bien les choses seraient radicalement différentes alors qu'il est. La vie de millions de personnes serait tout à fait différente pour quelques bulletins de vote. Des égaux qui avaient besoin de... Qui ont été achetés. Peut-être qu'ils sont achetés par la fenêtre maintenant, mais ils ont été achetés, peut-être on leur a fourni un peu de sous pour financer une partie des affiches. En échange de quoi, leur voix manquait à la France insoumise. Ben oui, c'est comme ça. Et oui, il y a toujours des traîtrises dans les élections, toujours. Il y a celles qui se voient, celles qui se voient moins, celles qui se voient pas du tout, celles qu'on peut deviner facilement, hein. Ça, qui prodest, à qui le crime profite. Qui prodest, c'est un langage qu'on utilise beaucoup sur les radios libres, ça. Qui prodest, puis les radios pas libres aussi, hein. Qui prodest, ça doit être de l'anglais, hein. Oh oui, sûrement, va. Allez, voir au larbin. Enquête, EHPAD Orpea, déjà 80 plaintes et un rapport accablant. Près de 80 familles de résidents ont porté plainte contre le groupe privé accusé de maltraitance en cherchant à augmenter la rentabilité de ces EHPAD. Un rapport administratif publié mardi pointe également de graves dysfonctionnements. Et oui, tous ces gens-là, il faut les foutre en tôle et les faire travailler. Alors, ils gardent leur costard, leur cravate, leurs belles chaussures, hein, et on leur confie des tâches de binage, de saclage, de terrassement. L'appel la pioche. Ah oui, tous ces gens de HEC, etc. Il faut leur montrer ce que c'est que le travail manuel. Il faut leur faire comprendre ce que c'est qu'attraper des ampoules, transpirer un peu, hein. Eh bien alors, il faut leur donner la paye qui va avec, hein. Ah oui, leur paye de ministre, leur paye de ceci, de cela, de député, de sénateur, de... Ah non, fini ça. Ah oui, le RSA. Aïe hop. Arbeit. McKinsey. Une enquête ouverte sur le volet fiscal. D'ailleurs, dans cette époque que j'évoque en utilisant le mot Arbeit exprès méchamment, eh bien, à cette époque-là, est-ce qu'ils ont été résistants ou collabos, à votre avis? Hein? Résistants ou collabos? Les Français ont été résistants à peu près 2% de la population, hein. Les collabos, au moins 10%, Oh bah oui, c'est des chiffres que... Oh, allez. McKinsey, une enquête ouverte sur le volet fiscal. Le parquet national financier a décidé d'ouvrir une enquête après le rapport du Sénat, et oui, c'est comme ça les lunettes, hein. sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques et les accusations d'optimisation fiscale visant McKinsey. McKinsey, c'est du sud-ouest de la France, hein, McKinsey, hein. Non, c'est la Bretagne. Ah non, c'est encore plus à l'ouest, oui. C'est des ricains, des capitalistes ricains, qui sont alimentés grassement par des capitalistes français. Et oui, qui sont au pouvoir, pour qui des gens ont voté. Ouais, les pauvres. Hein. Oui, si les gens qui devraient voter pour Mélenchon, pour Macron, je veux dire, pour Macron, voter vraiment pour Macron et seulement ceux-là et pas les autres, eh bien Macron il aurait 5% des voix, pas plus. Il n'y a que 5% de la population qui a intérêt à ce que Macron soit au pouvoir. 5%, pas plus. Les autres ce sont des imbéciles qui se sont fait rouler dans la farine. Eh oui. Alors Saint-Étienne-Miremont, la vidéosurveillance étendue avec 18 nouvelles caméras. Ah, bah oui, la criminalité a remis à Saint-Étienne-Miremont, avec une caméra, une caserne de gendarmerie sur place, tout près de Remiremont, qui a deux commissariats, et une gendarmerie, la criminalité, elle est d'un haut niveau dans cette région-là. Ah oui, oui, oh ben tiens. Alors donc, on va installer 18 nouvelles caméras. Et ça coûte combien? 124 978 €. Bravo les électeurs. Allez, allez. Les électeurs sont faits pour se faire rouler. Ben, c'est pas fou, c'est tout. Chacun son tour. Des cartes d'électeurs remises à quatre jeunes à Plombières-les-Bains. Samedi 2 avril à 10h30, Lydie Barbeau, maire, recevait au salon Eugénie les jeunes nouveaux électeurs qui viennent d'avoir 18 ans pour une cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle elle leur remettait leur première carte électorale. Sur cette carte électorale, il est souligné que voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Celui qui ne va pas voter, après, il n'a pas le droit de se plaindre du résultat des élections et des conséquences pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, un siècle. Ah oui, celui qui a voté, celui qui n'a pas voté, eh ben, c'est comme s'il avait voté pour la pire des politiques. Voilà. Eh oui, il porte une part de responsabilité en ne votant pas. Le citoyen qui a le droit de vote depuis 1789, pas avant, hein. Dans son discours, Lydie Barbeau, maire, a précisé « Souvenez-vous que des hommes et des femmes se sont battus pour obtenir ce droit de vote. Parfois, ils y ont laissé leur vie. » Eh oui, les résistants ont assez souvent laissé leur vie pour gagner la liberté pour les autres. Alors, ce sont les métiers dits sales, comme éboueur ou égouttier, qui contribuent le plus à la propreté. Et paradoxalement, ce sont dans les professions de prestige, comme politique, politicien, financier, haut responsable, point de suspension, fermons la parenthèse, qu'on trouve le plus d'ordures. Signé Coluche. Eh oui, ben il est mort, Coluche, hein. Eh oui, un accident. Un accident. Ah oui, il est mort dans un accident de circulation, Coluche. C'était un accident. Oui, oui. Comme Robert Boulin, comme etc. Hein. Jean-Luc Mélenchon est aux portes du second tour. Était aux portes du second tour. Eh oui, puisqu'il était éliminé par une partie de gens, des électeurs qui se disent, qui se croient, qui se prétendent de gauche. Se prétendent de gauche. Ah oui. La responsabilité des autres candidats de gauche devient historique. Historique, j'insiste sur le mot historique. Vous êtes donc prêts à porter le poids d'une absence de la gauche au second tour pour la deuxième fois. Si eux ne comprennent pas, leurs électeurs, électrices, le peuvent. Ben, souhaitons, souhaitons. Les élections. En 1968, certains disaient « élections, piège à con ». Une fois tous les 5 ans seulement, nous avons le choix. Voter ou pas, c'est grave. Les conséquences sont graves. Elles peuvent être très graves. En 1933, en Allemagne, les électeurs ont voté. Il y avait 6 millions de chômeurs. Le parti nazi a été mis au pouvoir. Hitler a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. 60 millions de morts sur le front et 64 millions, disent certains. Et dans les camps de concentration.